Audiomatique. Pour amorcer la transmission 373 d'Audiomatique, Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe anglais Cranes. Nous entendions la pièce K-56 qui est parue sur l'album Particles and Waves en 2004. Et c'est sur la musique de la formation Baron and their Club of Gore que se poursuit à l'instant Audiomatique. Thank you. C'est pour au moins donner une apparence de célébration que les sonoristes ont choisi de faire jouer la pièce que nous venons tout juste d'entendre, intitulée Christmas Eve et interprétée par le projet Thor Lundvall. La pièce apparaît sur l'album Yule, dont le thème d'ensemble est justement le temps des fêtes. Avant la pièce Christmas Eve de Thor Lundvall, nous écoutions la formation Baron and their Club of Gore et sa composition Destroying Angels, apparaissant sur l'album Black Earth, sorti en 2002. Pour la suite d'Audiomatic, voici le groupe canadien Cobblestone Jazz. à Audiomatic. Il s'agissait de la formation canadienne Cobblestone Jazz et sa composition India in Me, extraite de son premier album 23 Seconds, paru en 2007. Allons-y maintenant avec la formation australienne Pond. Thank you. À Audiomatic, cette séquence terminait sur la musique de Moby, de qui nous écoutions la pièce In This World, qui met à contribution la chanteuse Jennifer Price. Cette pièce apparaît sur l'album 18 de Moby. Avant cela, c'était le groupe Jaga Jazzist qui nous interprétait la pièce Reminders de l'album The Styx, paru en 2002. Et on amorçait la séquence avec la formation Pond menée par le chanteur australien Kevin Richard Parker, qui est également la tête derrière le projet Tail Impala. Donc, de Pond, nous avons entendu la pièce Gold Cup Plastic Soul tirée de leur plus récent album Nine, paru un peu plus tôt en 2021. En conclusion de cette transmission 373 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir une pièce du duo montréalais Edscan. Nous entendrons sa composition Sentinelle, ici remixée par Dance Against the Machine, le projet du Québécois Alain Thibault. Cette version se retrouve sur le mini-album Dead Silver Sky, tandis que la version originale de Sentinelle est parue sur l'album Pattern Recognition, sorti en 2005. Les sonoristes seront de retour mercredi prochain dès 17h pour proposer leurs choix musicaux. D'ici là, vous pouvez trouver nos anciennes transmissions archivées dans les environnements numériques par le biais de nos profils facebook.com/audiomatic-cfoe et mixcloud.com/audiomatic. Avant la semaine prochaine, soit la transmission 374, nous allons entendre pour conclure cette transmission 373 Edscan et la pièce Sentinelle remixée par Dance Against the Machine. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Come.